super. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Arthur Teboul. Et moi, Blandine Rinkel. Et on va vous raconter l'histoire des Mims, Petro et Jean Pims. C'est fou le vent qu'il y avait quand on s'est rencontrés, Pims et moi. Il y avait tant de vent que son gros nœud papillon rouge était devenu une hélice. Il avait commencé à tourner dans tous les sens, et il s'envolait vers les nuages quand je l'ai vu. Alors j'ai tiré sur son pantalon de toutes mes forces, et je l'ai ramené au sol. Je portais une robe à fleurs, un peu abîmée, et il m'a tout de suite dit « Les fleurs de ta robe sont si vivantes qu'elles fanent chaque jour. Je connais les fleurs. Elles sont fragiles. Mais moi, je vais t'offrir chaque jour une nouvelle robe, et tes fleurs, ne t'en fais pas, n'auront plus jamais le temps de faner. » Alors pour échapper au vent et à la mort des fleurs, on a fugué, Pims et moi. On a couru longtemps, il faisait très froid, mais on se tenait la main, alors ça allait. Quand on est arrivé sur Terre, il a fallu se choisir adulte. Parce que nous, les Mims, sur Terre, on vit sur l'édulte. On est obligés. On a sauté sur un garçon et sur une fille qui semblaient amoureux. Et on s'est installés dans leurs cheveux. Ça n'avait pas l'air de les gêner. Pour eux, on était invisibles. Mais ils nous sentaient, sans l'avouer. Et donc là, dans les cheveux de m'adulte, Pims m'a offert ma première robe à fleurs. Comme les magiciens. Avec des tulipes toutes fraîches. Et j'ai tellement ri de plaisir que m'adulte a senti que j'étais là, et elle a dit « Oh !» Mais avant que Petro continue à vous raconter, il faut que je vous parle d'édultes. Les adultes parlent d'eux-mêmes en s'appelant les adultes. Mais nous, nous savons bien qu'ils sont d'édultes. Les adultes, contrairement à nous, les Mims, n'ont pas de truffes. Ils ont un nez. Les adultes n'ont pas non plus de ventouses aux pieds, donc ils tombent facilement. Nous, on s'accroche à tout ce qu'on veut, aux fenêtres, aux animaux, au piano, on s'accroche partout et on tient. Eux, ils ne peuvent pas marcher au plafond. Ils sont incapables de chevaucher les libellules et les papillons. Quand ils prennent leur main droite avec leur main gauche et qu'ils la relâchent, devinez quoi ? Elle retombe, tout de suite. Ils appellent ça la gravité. Oui. Les adultes sont graves. C'est aussi parce qu'il leur arrive un truc terrible. Aucun adulte n'y échappe. À la fin de leur vie, les adultes tombent une dernière fois. Ils se fatiguent, ils perdent leur couleur, ils ferment les yeux et ne les réouvrent plus jamais. Ça peut survenir comme ça, du jour au lendemain. Ils fanent, comme les roses sur mes robes. Et quand un adulte fane, une larme coule sur les joues de tous les autres adultes. Sans bruit. Avec Petro, notre rôle, c'est d'essuyer cette larme. Tous les adultes savent qu'ils faneront un jour. C'est pour ça qu'ils ont souvent l'air si tristes. Alors il ne faut pas trop leur en vouloir. Pourtant, au début, Petro et moi, on leur en voulait. Ouais. Notamment parce qu'ils étaient tout le temps en train de vouloir sortir du bed. Le bed, c'est là où on habite. Et on adore le bed. Il y a toujours une odeur de truffe et de lait d'amande dedans. Et puis plein de couettes qu'on peut faire tomber sur nous quand on a un peu froid. Il y a aussi l'oreiller. Et sous l'oreiller, Petro et moi, on fait « hey, hey ». Mais on peut pas trop vous expliquer ce que ça veut dire. Bref, les adultes, tous les matins, ils veulent nous faire sortir du bed. Et ça, en tant que Mims, franchement, on voit pas l'intérêt. Donc en général, quand nos adultes vont dans des cafés pour faire ce qu'ils appellent des rendez-vous, nous on fait des randonnées sur des comptoirs. Je nous accroche à une corde, Petro et moi. Trop bien. Et puis on avance toute la matinée, l'un derrière l'autre, en chantant. Ta-ta-ya, Mais une fois, Pétro s'est cogné un truc. Aïe ! Et elle a eu mal. Très mal. C'était une platine vinyle, apparemment. Un cercle qui fait de la musique en tournant. Et derrière la platine, il y avait un mimes bizarre avec un casque sur les oreilles. Ses yeux roulaient dans leurs orbites. Il s'appelait Boulimix. C'était le mimes d'un musicien célèbre. Et j'avais peur de lui. Mais j'ai serré les poings et je suis quand même allé lui dire. Ça fait mal à Pétro, ça va pas, non? Je vais t'abîmer la truffe, mon gars! Et je me suis jeté sur lui. Moi, je tremblais de la tête aux pieds. Mais petit à petit, mes tremblements se sont transformés en autre chose. Je secouais les bras, je secouais les jambes, mais je le faisais en rythme. En fait, une mime savait débrancher le casque de Boulimix. Elle s'appelait Abricu. C'était sa copine, et elle souriait parce que maintenant la musique retentissait partout dans le café. On n'arrivait plus à se retenir. On était tous en train de danser. Même Boulimix et Pimps. Ils riaient ensemble et se disaient tout un tas de choses bizarres sur les fesses des garçons et des filles et tout ça. Trop bon pote, Boulimix. Quand nos adultes ont voulu partir du café, nous on voulait plus. Parce qu'avec Abricu et Boulimix, on s'était fait les premiers amis de notre vie. On voulait vivre éternellement avec eux. Et comme Pimps est un peu caractériel, il s'est mis à piquer une crise. Alors pour le calmer, on a convaincu une adulte de rentrer tous ensemble à la maison. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec Abricu et Boulimix. Voilà. Peuvent rejoindre le bed, peuvent venir avec nous dans le bed, ils peuvent venir avec nous dans le bed. Les adultes savent que certaines rencontres sont si importantes qu'elles changent la vie. T'es trop mon pote, Boulimix. Alors ils ont dit ok. Yes. Et c'est ainsi que le bed s'est agrandi. Merci, merci, merci, merci. Je fais tout le bazar. Abricu est devenue ma meilleure amie. J'adore quand elle peint ses cheveux en rose ou en bleu, et je trouve qu'elle forme un couple très chic avec Boulimix, qui a les oreilles percées. Le problème, c'est qu'elle est souvent triste à cause de lui. Quand il a son casque sur les oreilles, il n'écoute plus ce qu'elle veut lui dire. Et dès qu'elle a le dos tourné, il embrasse d'autres mimesettes, en cachette. Et Abricu, elle sent tout ça. On sent toujours ce que font les gens quand on a le dos tourné. Mais comme Abricu aime Boulimix, elle n'arrive pas à lui en vouloir. L'autre fois, c'est son corps qui a montré qu'elle était triste. Elle est tombée malade. Elle avait la peau toute pâle et des petits points jaunes sur les paupières. Et Pétro, pour la rassurer, disait « Ce sont sûrement des étoiles qui se sont perdues. » Et elle souriait un peu. Mais on sentait bien que ça n'allait pas fort. Le soir même, Abricu avait perdu tous ses cheveux. Abricu a de très longs cheveux blonds. Alors son bed a d'un coup eu l'air rempli de spaghettis. Et Pétro a dit « On va les mettre dans la soupe ce soir. » Mais ça n'a fait rire personne. Notamment parce que nous, les mimes, eh bien, on ne mange jamais de soupe. Bref, tous les mimes se sont mis à chercher des remèdes à la maladie d'Abricu. Pimps a fait appel à sa famille royale. Il a pris des rendez-vous avec les plus grands médecins du monde qui avaient des quantités et des quantités de lunettes sur la truffe, mais ça ne marchait pas. Abricu était toujours malade. Les médecins disaient « C'est dans la tête que ça se passe. » Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Le lendemain, Abricu disait qu'elle voulait faner, comme les fleurs. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Pour une raison simple. Nous, les mimes, on est immortels. On ne fane jamais. Elle a fini par s'enfermer sous un oreiller, près de la fenêtre. Elle regardait toute la journée le ciel. Elle ne bougeait plus. Elle avait l'air si triste. C'est là qu'on a alerté tous les mimes, partout, tous ceux qu'on trouvait. On leur a demandé s'ils pouvaient appeler Abricu sur son 388. C'est comme ça qu'on appelle le téléphone des mimes. Pour lui dire de sortir de l'oreiller. Mais elle ne répondait pas, à personne. Alors, avec Boulimix, mon pote, ni une, ni deux, on a décidé d'enfoncer l'oreiller. Je suis entrée aussi et j'ai dit « Waouh, Abricu, debout !» Et là, elle s'est levée. Et devant la fenêtre, elle s'est mise à rougir de la tête aux pieds. Alors je me suis approchée et j'ai compris pourquoi elle ressemblait à une tomate. Tous les mimes s'étaient rassemblés en bas de la fenêtre et ils portaient des pancartes avec marqué « Vive Abricu ! Non à la mort ! Vive Abricu ! Non à la mort ! Tous aux bêtes ! À nous les fleurs ! Tous aux bêtes ! À nous les fleurs ! Tous aux bêtes ! À nous les fleurs ! Il y avait des mimes partout, avec des chapeaux, des sifflets, des barbes à papa. Il y en avait tellement, tellement, et ça faisait un bruit d'enfer. Même Boulimix n'avait jamais entendu un bruit pareil. Mais il ne s'est pas laissé impressionner. Il a regardé Abricu droit dans les yeux et il lui a dit « C'est pour toi. C'est une manifestation d'amour. » Alors, Abricu a souri. Et sur son crâne, les cheveux se sont aussitôt remis à pousser. Et voilà. L'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Au lit, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.